Le sang, lui, les sacrifices, tout parle de séparation. Car servir le Dieu vivant demande une consécration. On ne s'approche pas du feu sans être préparé par le feu. Consacre nos vies pour te servir, pas juste nos chants ni nos mains. Fais de nos cœurs un sacrifice vivant. Que grand sans marcher avec toi.